Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, les poissons carapidés. C'est une famille de poissons au corps long, fin et sinueux comme des anguilles, que l'on trouve dans les océans du monde entier. On rencontre les carapidés en pleine eau, depuis la surface jusque dans les abysses. Mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui ont jeté leur dévolu sur un type d'habitation un peu particulier puisqu'ils vont se loger dans d'autres organismes vivants comme des huîtres perlières, des étoiles de mer ou des holothuries, plus communément appelées concombres de mer. Certains carapidés peuvent se servir de leur hôte simplement comme d'un abri et le quitter pour chasser différentes proies à l'extérieur. D'autres sont des parasites qui, de l'intérieur, se nourrissent des organes reproducteurs de leur hôte. Mais comment se frayer un chemin jusqu'au cœur d'une étoile de mer ou d'un concombre de mer? Pour l'étoile de mer, le carapidé passera par la bouche, il traversera ensuite ses deux estomacs, déchirera la paroi du deuxième et vivra alors librement dans la cavité générale du corps. Quant au concombre de mer, cette bête au physique fort étrange, convenons-en, gros boudin mou et oblong, le carapidé y entrera en passant par l'anus, qui chez cet animal marin n'est pas uniquement la fin du tube digestif, mais aussi l'entrée de ses poumons. Puis, plutôt que de se rendre dans son intestin rempli de sable, le carapidé s'acheminera directement dans ses poumons, où grand avantage, il n'aura qu'à garder la bouche ouverte, l'eau y entrant et sortant au gré des respirations du concombre. Ceci étant dit, l'autre spécificité des carapidés, c'est qu'ils vocalisent une fois installés chez leurs hôtes. Ces sons ressemblent à des roulements de tambour et sont produits par des muscles particuliers insérés derrière l'œil dans l'orbite et reliés à la vessie natatoire. Ces sons leur permettent de s'identifier, sorte de carte d'identité sonore, mais aussi d'avertir d'autres congénères de leur présence dans l'hôte. Le concombre de mer est en effet acoustiquement perméable au son, ce qui permet au poisson de vocaliser tout en étant protégé des prédateurs à l'intérieur de son concombre. Quant aux carapidés qui vivent dans des huîtres perlières, ils émettent des sons, mais uniquement la nuit, entre 20h et minuit. Alors que ces poissons ne mesurent pas plus d'une dizaine de centimètres, ils peuvent être entendus jusqu'à 50 mètres, car ils se servent des valves de l'huître comme d'un mégaphone. Les chercheurs ont découvert que cette famille de poissons fait partie d'un ensemble plus large qui compte quelques 350 espèces qui toutes vocalisent. Ce qui permet de supposer que ces espèces, qui vivent majoritairement dans les profondeurs, jusqu'à 5000 mètres de fond, sont toutes capables de produire des sons. La lumière étant absente au-delà de 200 mètres, la capacité à produire des sons distinctifs doit ainsi aider les poissons à s'identifier et regrouper leurs partenaires sexuels. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Éric Parmentier de l'Université de Liège et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.